Il n'y a plus qu'à attendre un peu. On va attendre tout doucement que la nuit tombe, hein. Passe-moi un peu une bière. Oh putain, une bière. Bonjour et bienvenue dans Chouette. Dans ce troisième épisode, on va partir à la découverte de certains classiques du rock australien. Ne soyez pas apeurés, la Chouette. Effrayé, car oui, je sais, trois chouettes épisodes, et on n'est toujours pas sorti de l'Australie, mais que voulez-vous, il y en a des choses à dire et à découvrir, et on n'a pas fini d'écouter des mélodies venues d'Océanie, c'est moi qui vous le dis. Et puis ce n'est pas parce que c'est le 50e anniversaire du festival de Woodstock qu'on est obligé de parler de nos amis états-uniens, quelle date quand même assez symbolique. Je vous renvoie d'ailleurs à l'incroyable émission de France Inter Viré Good Trip qui a dédié à Woodstock une série qui retrace l'épopée qu'a été ce festival. Revenons à nos moutons. Le principe de cet épisode va être l'exploration de quelques formations musicales d'origine australienne, des groupes que je n'ai jamais écoutés, et oui, à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune connaissance dans les morceaux qui constitueront la playlist de cet épisode. Playlist que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast, n'oubliez pas. J'espère que l'idée vous plaira. L'idée est tout simplement de passer les morceaux qui m'ont le plus plu au cours de mes découvertes et d'essayer, entre ces morceaux, de dire des choses intelligentes, bravo. Enfin, nous verrons bien. Alors dans l'expression classique rock, j'entends bien vous présenter non pas des classiques de la scène australienne contemporaine, hein, non, mais bien des classiques du rock'n'roll, pop, fin 50s, courant 60s, hein, que ça. C'est pour ça qu'on passera assez vite sur les Bee Gees ou autres AC/DC qui n'ont rien à voir, mais c'est les deux qui me viennent en tête là tout de suite. À la place, on essaiera de dégoter des petites pépites, ou pas. Commençons donc tranquillement à s'écouter du bon vieux rock'n'roll à papy, car j'ai entendu très vite parler d'un certain Johnny O'Keefe. Over the mountain, across the sea, there's a someone awaiting for me. Cross all the river. C'était Over the Mountain par Johnny O'Keefe, et c'est la seule chanson que j'ai retenue des tout premiers singles que j'ai pu entendre de cet homme. Et ce n'est sans doute pas un hasard, car Over the Mountain, eh bien, c'est une reprise. Rien de bien original pour l'époque, ça se faisait beaucoup. Une reprise donc de Over the Mountain, Across the Sea, écrite par Rex Garvin et chantée par Johnny and Joe, un duo de rhythm and blues, tout droit venu du Bronx, on est bien loin finalement de l'Australie. Ils l'ont d'ailleurs chanté en 57, un an avant la reprise que vous venez d'entendre, de Johnny O'Keefe. Je ne m'attarde pas, ça ne m'a pas non plus transcendé, passons tout de suite à quelque chose de plus sérieux. Things are better left unsaid. They don't let go right to my head. I guess it's better not to tell me, not to tell me you want to go. It's been like this for a while. There is no more your love and smile. I guess it's I'll cry, I think I'm gonna cry over you. Go with him and have your fun. I think I'll chase the rising sun. I won't be here if you come home, 'cause I'll be gone, gone to cry, gone to cry. Cry, cry, cry, cry. Voilà, vous venez d'entendre les Easy Beats. Alors je vais un petit peu vous parler de ce groupe qui s'est formé à la fin de l'année 1964 à Sydney, au centre d'immigration de Villawood, alors qu'ils arrivaient tout juste d'Europe. D'Hollande pour le bassiste Dick Diamond et le lead guitariste Harry Vanda, d'Angleterre pour le chanteur Stevie Wright et le batteur Snowy Fleet, enfin d'Écosse pour le guitariste George Young. Oui, Young, vous avez bien entendu. Encore un Young d'Écosse qui débarque en Australie. Alors je dis ça parce qu'en effet, George Young n'est autre que le grand frère de quelques Malcolm et Angus Young, qui formeront en 73 un petit groupe nommé AC/DC, que le monde est petit. George Young et Harry Vanda, des Easy Beats, seront d'ailleurs producteurs des premiers travaux d'AC/DC. Enfin, toute une histoire. En clair, les Easy Beats auront été les Beatles australiens, en quelque sorte, c'est pour ça qu'ils apparaissent si tôt dans l'émission, changeant la Beatlemania en Easy Fever. Alors je vous avouerai que l'écoute du premier album de 65, génialement intitulé Easy, ne m'a pas transcendé, hein, sauf deux chansons, l'une que vous venez d'entendre juste avant, c'était Cry, Cry, Cry, et l'autre qui arrive maintenant, un morceau éponyme, Easy Beat. Thank you. avec les Easy Beats et Johnny O'Keefe, on a entendu les mélodies d'une Australie où bourgeonne l'intérêt pour le rock'n'roll, la British Invasion, et avec eux son apparition dans les charts. Alors maintenant, cherchons du côté un peu plus underground de l'Australie, voulez-vous, toujours en restant dans le courant des années 60 bien sûr, et je vous propose d'écouter The Purple Hearts, un groupe avec un pied dans le rhythm and blues, un pied dans la beat pop, et un orteil dans le garage, mais le garage on va en parler un peu plus tard. The Purple Hearts, donc, se forment à Brisbane, sur la côte Est, en 64, et n'auront que 3 bonnes années au compteur, puisqu'ils splitteront en 67. En écoutant leur single, c'est très intéressant parce qu'on sent vraiment l'inspiration et l'invasion du rock britannique et tout ce qui s'ensuit. J'ai plutôt apprécié cette découverte, surtout que j'ai décelé chez eux des germes de psychédélisme. Appelons ça du proto-psyché si on veut, soyons fous. Et pour le vérifier, je vais vous laisser écouter Early in the Morning, sorti en 66, un de leurs petits succès, reprise d'une prison song traditionnelle américaine. Après ce titre, Early in the Morning, je me rends compte que l'empreinte américaine et britannique est vraiment énorme sur la pop 60s australienne. Moi qui pensais plus sentir un je ne sais quoi de typique, enfin, ce sera à creuser pour une autre émission. Alors aventurons-nous maintenant dans la scène garage avec les palpitants Throb. On est toujours en 66. The Throb sont connus pour leur reprise meilleure que les Stones de Fortune Teller, mais ce n'est pas cette chanson qu'on va écouter tout de suite, mais ça, B-side, oh j'adore les B-sides, Believe in Me. Treated you good and tenderly, and I will always be in your heart. C'était les Frobs avec Believe in Me. Voilà un groupe avec lequel j'ai plus d'affinité. Dommage qu'ils se soient séparés prématurément en 67, une carrière courte, tout comme le prochain groupe qui est lui aussi affilié au garage et même au proto-punk. C'est The Creatures. Alors eux, les créatures, voulaient choquer. Alors ça ne suffisait pas d'avoir de très longs cheveux, c'était déjà quelque chose au milieu des 60s. Alors ils se les ont teints en rouge, en bleu, en vert, en violet, en rose. Ça a dû leur faire une sacrée promo. Enfin, toujours est-il qu'ils ont sorti que 3 singles, dont un sous un autre nom. Écoutez par vous-même le titre Ugly Thing des Creatures. Enfin, on sent les vibes du garage, aux influences pulp, en tout genre. C'était vraiment, vraiment bon. Mais maintenant, pour terminer notre petite épopée, j'aimerais vous partager un morceau bien plus ambiante. Assez psyché, assez expérimental. Enfin, assez expérimental en comparaison de ce qu'on a pu écouter juste avant. Un morceau qui m'a beaucoup plu, bizarrement, et qui sera parfait pour conclure ce chouette épisode. Je veux parler de The Missing Links, les liens manquants, qui, comme les Creatures, sont dans le garage et le proto-punk et tout ça. Un groupe avec une durée de vie encore plus courte, de juste 2 ans en tout, même en comptant les innombrables allées et venues dans le line-up. Alors ce fameux morceau, sur lequel je vais vous laisser, a un nom étrange. H'tuums, tus. En lisant ça, j'étais désarçonné. Quelle est cette langue? Pourquoi ces mots bizarres? Eh bien, l'explication est cachée. En 65, donc, The Missing Links était très intéressé par le rock'n'roll 50s, alors que cette période de l'histoire musicale était déjà boudée. Ils aiment donc beaucoup un certain Bo Diddley, et vont passer un de ses morceaux à l'envers, oui, à l'envers, et ils le font, d'ailleurs, avant les Beatles, qu'ils ne le feront qu'en 66, un an après. Le morceau qu'ils reprennent de Bo Diddley, c'est le titre Mama Keep Your Big Mouth Shut, qui sera le terreau de l'expérimentation des Missing Links. Mais eux iront jusqu'à l'orthographier à l'envers, ce qui donne Tums Tews Mouth Shut à l'envers. Et sur ce, j'espère que cette petite exploration de la scène 60s australienne vous aura plu. Merci d'avoir écouté, et puis à la prochaine. Smile, get for you, smile, get for you, mama, me.